France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 89. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 7 octobre 2007, 11h05. Bonjour à toi l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es fenêtre sur cour ou chambre avec vue, tu es endetté sur 3 siècles et cautionné par mémé, tu es grosse arnaque au mètre carré, tu es coefficient d'occupation des sols, tu es en fin de bail et tu es aussi... J'ai l'impression que vous n'avez pas dû lire le règlement. Je vous explique, nous sommes une quinzaine de copropriétaires à se partager cet appartement, vous voyez. Moi j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es à vendre ou à louer, tu es agent immobilier. Alors, comme chacun sait, dans cette France qui bouge désormais, ça déménage. En effet, la police parisienne voudrait évacuer les mal-logés qui se sont installés rue de la Banque, près de la Bourse. Mais que les malheureux se rassurent, puisqu'il nous a été promis que prochainement, nous deviendrions toutes et tous d'heureux propriétaires. C'est génial. C'est pourquoi la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de faire l'état des lieux du parc immobilier français. Et pour commencer justement, du fort de Brégançon au domaine de Souzy-la-Briche, nous allons te proposer un petit tour du propriétaire des résidences de la présidence. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons ensemble de réhabiliter cette magnifique profession trop souvent décriée, celle d'agent immobilier. On enchaînera d'ailleurs sur un reportage savoureux et instructif qui viendra t'offrir quelques conseils pour optimiser tes chances dans la recherche du logement idéal. Et puis, dans la foulée, nous t'avons organisé une visite de chantier au cœur du Parti Socialiste en plein travaux de rénovation. Et enfin, pour être tout à fait dans l'air du temps, Jean-Claude a convaincu Monique de devenir propriétaire et nous te dévoilerons leur incroyable déménagement le week-end dernier à Grosboul-les-Bains. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin. On est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et bienvenue en colocation. We'll be right back. Gimme, gimme, gimme. C'est ce que réclamaient en 1979 les Suédois d'ABBA. Car ici, nous ne renions pas notre plaisir d'encourager avec foi celles et ceux qui ont les tripes de s'endetter sur 30 piges pour s'offrir une bicoque d'amourette. ABBA, la spéculation immobilière. Alors, ce matin, à l'heure où nous connaîtrons tous bientôt le bonheur d'être propriétaire, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à l'univers enrichissant de l'immobilier. Et pour commencer, nous allons visiter quelques demeures d'exception dont nous sommes tous déjà les heureux propriétaires et dont le locataire n'est autre que le chef de l'État. Les résidences présidentielles, bien sûr. Le président de la République dispose de plusieurs résidences, le palais de l'Élysée bien entendu, mais aussi l'hôtel de Marigny, le château de Rambouillet, le fort de Brégançon et les domaines de Marly-le-Roi et de Souzy-la-Briche. Chaque président, quand il récupère les clés, peut modifier la décoration intérieure, comme en 1972 par exemple, après l'emménagement de président Pompidou. L'Élysée fait peau neuve. 5 salons anciens ont été réaménagés à l'aide de pièces de l'époque Napoléon III réunies par le mobilier national. Mais ce qui fait la nouveauté du travail des décorateurs à l'Élysée, ce sont 3 salons et une salle à manger où le président de la République et Madame Pompidou recevront leurs hôtes en privé. On y accède par une salle réalisée par le peintre cinétique israélien Agam. Et là règnent le plastique et les matériaux modernes, avec une petite concession dans la bibliothèque. Une vraie bûche de bois brûle dans la cheminée et Ovide et Molière côtoient Apollinaire et Aragon. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Pompidou a donc marqué de son empreinte la résidence présidentielle de l'Élysée. Mais il n'est pas le seul. Ainsi, depuis quelques mois, le nouveau locataire, président Sarkozy, qui vient de signer un bail de 5 ans, a lui aussi entamé quelques travaux d'aménagement à l'Élysée. Je suis vachement content, là, parce qu'on vient de finir d'installer les nouveaux bureaux. C'est superbe. Ça coûte un peu cher, parce que bon, c'est sur les Champs-Élysées, puis on a quand même pris 2 étages. C'est énorme, hein. Mais ça a de la gueule. Hein. De toute façon, vu le projet de société qu'on veut monter, il fallait ça. Tu sais, tout ce qui est autour, ça a de l'importance. Et là, ça a de la gueule. Je suis vachement content parce que derrière mon bureau, j'ai un fauteuil en cuir qui tourne, c'est hyper confortable. Puis on a mis une télé, un magnétoscope, là on a mis le paquet. Hein. On a mis le paquet dans les résidences présidentielles, c'est bien entendu la nouvelle maxime de la présidence Sarkozy. Ainsi, Yasmina Reza, dans son dernier ouvrage, une chronique littéraire de l'élection présidentielle, rapporte ces quelques mots prononcés par Nicolas Sarkozy avant le second tour. « J'aurai un palais à Paris, un château à Rambouillet et un fort à Brégançon, c'est la vie. » Et en effet, Nicolas Sarkozy a fait l'état des lieux en compagnie de président Chirac à Brégançon, dis donc. « Oh ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Oh, ça valait le détour ! Oh, que c'est joli ! C'est très joli ! Oh ! Dites, maintenant, on va chez vous, on est pressé, hein ? Ben, c'est ici, chez moi. Non. Ben, si, c'est ma maison de campagne. Ben, alors... Ben, vous m'aviez dit que vous vouliez en faire un château, vous voyez que le plus gros est fait. Mais c'est pas pour ça que vous m'avez fait signer ! C'est vous qui avez voulu signer. Mais il fallait m'en empêcher. Mais vous êtes fou et c'est dangereux de contrarier les fous. Regardez ça, c'est une ruine. Rendez-moi ça. Oh là là, oh là là. Rendez-moi ça. Il y a le téléphone? Ni téléphone, ni eau, ni gaz, ni électricité. Il n'y a rien alors. Non, mais vous allez tout mettre. Ainsi donc, président Sarkozy a été quelque peu surpris par l'état de délabrement de certaines résidences présidentielles, lui qui est tellement habitué à son bel appart joliment retapé à Neuilly. D'ailleurs, depuis peu, une petite révolution a eu lieu dans le parc immobilier présidentiel. En effet, Nicolas Sarkozy a piqué au Premier ministre son coquet pavillon de chasse situé au cœur du parc du château de Versailles, à savoir la lanterne. Et c'est ainsi que la panique peut maintenant résoudre un mystère qui intrigue depuis plusieurs jours l'ensemble de la presse nationale. Mais où est donc passée Cécilia ? Eh ben, c'est très simple, Cécilia s'occupe de la déco de la lanterne qu'elle a d'ailleurs fait visiter hier à sa copine, la ministre Rachida Dati. Alors, dans la chambre de Nicolas, on va lui faire un coin bureau, ouais. Des nouveaux rangements, des trucs, tu verras. Un lit un peu particulier qui monte au plafond et en dessous on lui mettra un canapé. Tout ça en bois puisqu'il n'aime pas le métal, l'acier. Il va adorer, je pense. Ouais. Nicolas, il va adorer les aménagements que Cécilia a pu faire à la lanterne. Car confier la décoration d'une résidence présidentielle à l'épouse du chef de l'État, c'est un grand classique, et pas uniquement en France. Écoute bien ce document exceptionnel de 1961, venu tout droit de... La Maison Blanche. Adresse 1600 avenue de Pennsylvanie, Washington, district de Columbia, États-Unis d'Amérique. Du côté sud... s'étend la vaste pelouse où atterrissent les hélicoptères, où sont données les garden parties et où Madame John Fitzgerald Kennedy nous reçoit. Oui. Eh bien, je dois vous remercier pour le rare privilège que vous nous avez accordé de visiter la Maison Blanche sous votre conduite. L'entrée principale de la Maison Blanche n'est pas celle-ci, c'est du côté nord, de l'autre côté, je crois, non ? Oui, la Maison Blanche fut le premier édifice public construit à Washington par James Hoban, architecte irlandais, en 1792. Eh bien, si vous voulez, nous allons poursuivre notre visite. Une fois que nous sommes dans le hall d'entrée, à gauche, je crois, se trouve le grand salon de réception. Oui, ça s'appelle le Salon de l'Est. C'est là où il y a quatre bustes en biscuit de Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, qui étaient offerts par l'ambassadeur de France pendant le gouvernement de Theodore Roosevelt. C'est le salon doré où on donne les bals et toutes nos jolies réceptions. Oui, c'est certain qu'avec Jackie Kennedy à la Maison Blanche, c'était la classe internationale et l'élégance qui dominaient. Alors qu'en France, ben, Cécilia, elle poursuit la visite de la résidence de la lanterne avec Rachida. Dans le jardin, une très belle terrasse, une grande pergola et un bassin paysager avec des petits poissons. Je te présente le roi de la végétation, du bassin, du dallage, enfin bon bref, celui Bonjour. Qui nous sourd. Il va s'occuper de te faire un peu un jardin de rêve. DJ mortel! Refais-moi ça, refais-moi la roue arrière! Rock'n'roll, sans doute, mais surtout très utile, parce qu'avec sa volonté d'enrôlement, enfin pardon, d'ouverture, président Sarkozy va pouvoir accueillir dignement ses invités dans les résidences présidentielles, tout plein de locataires avec chambre à la journée, services compris. J'ai des locataires, j'ai des chambres à la journée, petit déjeuner, café, au lait, service compris, et taxes en sus, j'ai des puces. J'ai des locataires, ventilateur au plafond, cosy, corner, matelas crevé, dessus de lit en pilou, j'ai des poux. J'ai des locataires, radio avec parasite pour la télé, en noir et blanc, deux pièces de 100 sous dans la fente, je te lente. J'ai des locataires, de la vapeur ébréchée, pas très nickel, eau chaude, eau froide, pas de savon, au bidet, bain douche, j'ai des mouches. C'était Serge Gainsbourg qui nous présentait ses locataires en 1979. Il y a un bail donc. Ce proprio Gainsbourg qui ne dérange jamais personne, encore que parfois il gêne Merkin. Alors, après avoir fait l'état des lieux des résidences présidentielles, eh bien, il est essentiel, à 11h20, d'essayer de réhabiliter cette magnifique profession qu'exerce le pauvre agent immobilier. Oui, mon ami, prenons le temps ce matin d'apprendre à aimer ceux qui s'en foutent plein les fouilles une fois le bail signé. Avant tout, il faut savoir que franchir le seuil d'une agence immobilière, c'est aller à la rencontre d'une profession qui devrait être déclarée d'intérêt public. Oui, car aujourd'hui, dans notre société où se creusent sans cesse les inégalités, dans cette société cloisonnée, l'agent immobilier demeure l'un des derniers piliers de la cohésion sociale entre les riches propriétaires et nous autres, les forçats du loyer. Ainsi, devenir agent immobilier, c'est avoir le désir de mieux organiser la répartition des richesses. Mieux encore, il est également l'un des derniers câbles de l'ascenseur social, puisqu'il nous offre parfois l'opportunité de grimper à l'échelle. Tu n'étais qu'un pauvre petit locataire, asphyxié par les charges et le montant du loyer, eh bien l'agent immobilier, lui, te tend la main et te dit « Achète ton bien, du con, et j'empocherai encore plus de pognon ». Mais alors, comment peut-on le suspecter de cupidité, voire de malhonnêteté? Franchement, c'est incompréhensible. Sais-tu par exemple que l'agent immobilier rédige ses annonces uniquement dans l'espoir, bien sûr, de t'offrir le meilleur confort domestique? Mon appartement, je l'ai eu dans une petite annonce. Dans l'annonce, il y avait marqué « Coquet studio, très ensoleillé dans immeuble bourgeois ». Attention, les annonces, faut traduire. Coquet, ça veut dire petit. Le mien est très, très, très coquet. Faut se méfier des diminutifs, hein, comme coquet, comme studette. Studette, c'est un petit studio. Alors, coquette, studette... Ah, c'est carrément la maison des Schtroumpfs. Très ensoleillé, c'est sous les toits. Immeuble bourgeois, c'est vieux. Voilà. Mais c'est normal, ils sont pas fous dans les agences, faut les comprendre. Ils peuvent pas marquer chambre de bonne minable au 7e étage sans ascenseur, dans l'immeuble pourri, hein. Calme, ça veut dire surcours. Et plus c'est calme, et plus le mur d'en face est près de la fenêtre. Chez moi, c'est tellement calme, je suis même pas dérangé par les rayons de soleil. Eh oui, l'agent immobilier est un cousin du poète. Il sait comme personne transcender la réalité de ton appartement. Tu crois qu'il t'arnaque, mais il te fout du lyrique, bon sang, là où il y a du sordide. C'est un génie. Sans compter que l'agent immobilier est un artiste engagé, mon vieux. Contrairement aux idées reçues, il est soucieux de loger tout le monde. Le principe du droit au logement opposable, c'est d'offrir un logement social aux personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes dans notre société. Tente maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants, ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné. Et alors attention, la chambre d'amis, avec contre-porte moustiquaire. Il fera de la France l'un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux. C'est ainsi que désormais, fort de ce droit opposable au logement, l'agent immobilier va pouvoir aller encore plus loin dans sa volonté d'héberger les plus démunis et notamment, il va pouvoir enfin dorénavant trouver des appartements décents pour les familles nombreuses. France Inter. Ministre de l'économie, marié, 8 enfants, cherche logement de fonction, 240 mètres carrés maxi, proche 7e arrondissement de Paris. À peine les cartons déballés, Hervé Guémard va donc à nouveau déménager, rendre son duplex de 600 mètres carrés, loyer 14 000 euros, trop grand, trop cher. Putain, avant de le virer de son appart, on aurait dû lui en trouver un autre. Et justement, je suis avec l'agence là. Oui, possible, génial. 260 mètres carrés, j'ai trouvé. Comment ça? 80 mètres carrés par ministre et 20 mètres carrés par enfant, ça fait que 240. Oui, mais il m'a demandé 260. Oh non, me dis pas qu'elle est encore enceinte. Bah... Ah, commence à m'énerver, hein, Roger Rabbit. Tu sais ce que tu fais? Tu rappelles l'agence et tu leur demandes un 280 mètres carrés. Pourquoi? Ah bah, faut que les parents fassent chambre à part, hein, sinon dans 2 ans, faut le loger au Zénith. Cela dit, nous sentons bien que certains d'entre vous demeurent sceptiques quant à l'humanisme débonnaire des agents immobiliers. Eh bien, à leur adresse, il faut également rappeler ce matin combien l'agent immobilier se démène parfois pour répondre aux exigences de ses clients. Et d'ailleurs, il ne recule jamais devant rien lorsqu'il s'agit de nous offrir du rêve. Souvenez-vous, au printemps 2001 a eu lieu la première escroquerie immobilière sur la planète Mars. Un agent immobilier très spécial soutire 650 000 francs à un postier pour financer la construction d'une ville sur la planète rouge. L'histoire ne dit pas dans quel coin de Mars devait se situer cette grande première urbanistique, mais on peut imaginer cette ville dans les canyons de Valles Marineris, dans les vallées encaissées de Noctis Labyrinthus, ou encore mieux, au pied de l'Olympus Mons. Et les prospectus auraient proclamé « 26 km de haut, venez vous installer auprès du plus haut sommet du système solaire !» Très bien. Puisqu'on évoque ici les arnaques immobilières, ouvrons réellement ce dossier. Un énième sondage nous montrerait aisément que nous associons allègrement l'agent immobilier à l'escroquerie. C'est lamentable. Car en réalité, certes, on n'en parle quasiment jamais. Mais le spéculateur, ce n'est pas forcément celui qu'on croit, hein ? Dans la série Incroyable mais vrai, la mort de maître André-François Raffray, notaire de profession, André-François Raffray a poussé son dernier soupir hier, à l'âge de 77 ans. Il s'était fait connaître en réalisant la plus mauvaise affaire du siècle. C'est lui qui, il y a 30 ans, avait acheté en viager l'appartement de la doyenne de l'humanité, Jeanne Calment, qui a fêté ses 120 ans le 18 octobre dernier. Comme quoi, même un notaire peut se tromper. Pourtant, avec 43 ans de différence d'âge en sa faveur, il avait mis toutes les chances de son côté. Mais quand ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. Moi, J'ai joué, puis j'ai perdu. Oui, désormais cessons de clouer au pilori l'agent immobilier. Il est au service des autres et le voilà victime de nos préjugés. Pire, il doit affronter constamment notre roublardise. Sa vie est devenue un enfer et résultat, l'avenir économique du secteur est réellement incertain. Puisqu'il est de plus en plus concurrencé par des journaux de petites annonces qui cherchent à contourner l'agent immobilier. Bon, alors maintenant, si tu considères toujours en effet que l'agent immobilier est un escroc, eh bien, le Mangin Palace n'est pas ingrat puisqu'il va tout de même te proposer un reportage grolandais qui devrait t'offrir quelques conseils pour optimiser tes chances dans la recherche d'un logement idéal sans passer par une agence immobilière. Donc, on découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Mathieu et Coralie Legrand sont à la recherche d'un appartement dans Paris depuis 18 mois. Une recherche difficile tant les propriétaires sont devenus exigeants. Je vous avoue, les fiches de paye. Mathieu est contrôleur de gestion et gagne 4300 euros par mois. Coralie est secrétaire médicale à 1700 euros par mois. Le revenu correspond à 4 fois le montant du loyer. C'est bon, mais pas suffisant. Mathieu et Coralie ont tout prévu. Les parents de Coralie se portent caution, ainsi que ses grands-parents et l'arrière-grand-mère de Mathieu. C'est bon, mais pas suffisant. Monsieur Brun doit s'assurer de la bonne santé de ses futurs locataires afin de ne pas se retrouver avec des loyers impayés. Coralie et Mathieu Legrand fournissent un dossier médical complet à Monsieur Brun. Les taux de cholestérol sont bas, les triglycérides aussi, les électrocardiogrammes sont bons, les urines sont claires, les selles bien moulées. Monsieur Brun est rassuré, mais ce n'est pas suffisant. Soucieux du confort de sa copropriété, Monsieur Brun veut maintenant s'assurer de la tranquillité de ses futurs locataires. Il doit vérifier que Coralie ne fait pas trop de bruit quand elle jouit. C'est bon, mais pas suffisant. Au revoir, merci. La déception est grande pour le jeune couple. Et on n'a pas l'appart. J'ai hurlé quand il m'a mordi le clitoris. Des propriétaires de plus en plus exigeants, des locataires de moins en moins fiables, la situation du marché de l'immobilier à Paris ne s'améliorera pas de sitôt. Have you ever been alone? skips and moans. And a man comes in your way, telling you it's time to pray. Everybody's got illusions. Everybody talks so tall. Everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive, boy. Have you ever seen them cry? Everybody's got illusions. Everybody talks so tall. Everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive. C'était Findlay Brown qui nous proposait Losing the Will to Survive. Depuis hier soir, c'est d'ailleurs la nouvelle complainte des déménageurs nouveaux-zélandais. Pour eux, c'est le couplet de la catastrophe. Alors, à l'heure où l'horloge électronique nous indique qu'il est 11h32, il est temps désormais d'organiser une visite de chantier rue de Solferino au siège du Parti Socialiste où visiblement tout le monde semble être d'accord pour se lancer dans une réelle rénovation de la baraque. Ainsi, mon ami, allons constater ce matin l'avancée des travaux. Depuis la défaite électorale, les dirigeants socialistes ont conscience qu'un authentique ravalement de façade s'impose. Primo, l'ensemble du système électrique est à rénover, puisque visiblement le courant ne passe plus. Par ailleurs, les tapisseries sont totalement défraîchies. Il faudrait également abattre deux ou trois cloisons et quelques portes un peu trop souvent claquées ces derniers temps mériteraient bien sûr d'être changées. Seulement voilà, si les ouvriers socialistes sont pleins de bonne volonté, il n'en demeure pas moins que se lancer dans des travaux aussi lourds sans architecte, c'est un peu compliqué. Résultat, lundi matin, lors de la traditionnelle réunion de chantier hebdomadaire, François Hollande était bien emmerdé. Comment ça se fait que ça reste dans la main, un robinet tout neuf ? Ouais, moi, j'en sais rien, moi je suis pas le fabricant. Ça, c'est de la camelote allemande. Normalement, ça doit pas casser. Mais bon, quand on choisit le moins cher du catalogue, faut pas être étonné de ce qui se passe. Changez-le, vu que c'est neuf, c'est encore sous garantie, non ? Oui, bien sûr. Sauf que s'ils l'ont pas en stock... Comment ça, s'ils l'ont pas en stock ? Le problème, c'est que c'est plus fabriqué que sur commande. Et avec la livraison, il faut compter deux bons mois. Deux mois ? Deux mois minimum. Attention, ça fait la route d'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, l'Allemagne de l'Est ? Non. Alors là, quand c'est la société qui fait faillite, on peut toujours s'arranger avec les restes de stock. Mais si c'est carrément l'Allemagne de l'Est qui n'existe plus, alors là, on n'est pas dans la merde. Oui, effectivement, on n'est pas dans la merde. C'est ainsi que Manuel Valls a découvert que les ouvriers communistes n'étaient plus très nombreux sur le marché et qu'il fallait peut-être pour l'instant oublier la gauche plurielle pour aider à la profonde rénovation. Évidemment, la priorité consisterait à débusquer un architecte, un type avec le compas dans l'œil et qui pourrait élaborer quelques croquis d'ensemble. Mais qui ? Quel bazar ! Oui, merci, monsieur Jospin. Non, mais je parle du Parti Socialiste, là. C'est le chaos, là. Oui, bon, de toute façon, ça bougera pas avant samedi, maintenant. Mais vous rêvez ! Ça ne bougera plus jamais, oui. Ça va très, très, très, très, très, très, très, très, très, très mal. Oui, mais bon... Non, mais il faut un sauveur au PS, là. Un homme providentiel, intègre. Vous ne croyez pas ? Bah oui, mais qui ? Jacques Delors ? Mais non, un homme qui aurait, je ne sais pas moi, un homme qui aurait fait reculer le chômage de façon considérable et qui soit de gauche. Ah, Tony Blair, mais il est anglais. Mais non, mais merde ! Un homme qui reviendrait du Nil, qui aurait été Premier ministre, qui aurait les cheveux blancs, merde, c'est pas... Un mec aux cheveux blancs, Premier ministre, qui vient de Lille, Pierre Mauroy ? Vous êtes pas bien, vous, non, franchement. Ça se voit que vous avez arrêté définitivement la politique, vous êtes complètement largué, mon pauvre vieux. Pays de merde ! Eh oui. Le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est un peu comme la construction de la Sagrada Familia à Barcelone. Mitterrand, c'est Gaudi, et après sa mort, c'est une ribambelle d'architectes qui s'engueulent pour savoir dans quelle direction on poursuit les travaux. Résultat, rien n'avance. C'est pourquoi Dominique Strauss-Kahn a fini par claquer la porte du chantier la semaine dernière. Ça me rendait malade, la fête de l'humain. Au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat, mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et puis merde, je vote à droite, juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai. C'est ainsi qu'un énième artisan socialiste a déserté le chantier. Épuisé et scellé, François Hollande ne peut que constater le retard des travaux qui s'accumulent. D'ailleurs, mardi soir, il ne voyait plus qu'une seule solution. La maison est à vendre, la maison est à prendre, il va le vendre la maison. Il y a même des gritos pour dire ces mots, à vendre. Vendre la maison socialiste en l'état permettrait à coup sûr d'échapper aux frais des travaux. Mais cela permettrait-il d'envisager à moyen terme une spéculation électorale ? Rien n'est moins sûr. Cela dit, l'héritière autoproclamée de François Mitterrand, Madame Royale, n'a nullement l'intention d'abandonner la rénovation de la maison socialiste. Et si François Mitterrand a pu être comparé à l'architecte catalan Antoni Gaudí, Ségolène s'est dit que le mieux, c'est d'aller prendre conseil auprès du socialiste espagnol Zapatero, afin d'établir un devis pour les futurs travaux de la rue de Solferino. Le Parti Socialiste devra poursuivre la rénovation des pratiques politiques, rénovation des idées politiques, préparation du socialisme du 21e siècle. On va te faire un budget. Non, je n'adhère jamais à ce type de raisonnement. Mais tu ne te rends pas compte, c'est une opportunité magnifique pour les volumes. Je crois que ça a fait beaucoup de dégâts. Merci. Parlons simple. Je ne vais pas te faire payer la création. Juste le matériel. Ça se fait dans un second temps. Il était fait des petits dessins. C'est ce qu'on appelle la refondation, la rénovation, peu importe le terme. La mezzanine, supportée par 6 petites colonnes très fines mais très robustes. Dans ce que vous dites, il y a quelque chose de juste. C'est-à-dire, il y a sans doute un renouvellement du vocabulaire. Regarde comme elle est belle. Je l'adore. La cheminée centrale. On m'appelle plutôt la gazelle. J'ai pensé à toi toute la nuit. Vous tournez en dérision la politique en disant cela. Mais pourquoi tout est brime ? Quelques murs à faire tomber, c'est presque pas plus cher. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à repenser, à restructurer, à réinstaller. J'ai l'impression que ces petits murs aussi, il faudrait les changer. Mais là aussi, il faut le faire en ne provoquant pas une hausse du coût de l'immobilier. Tu as beaucoup de chance. Je te saute. Bon, alors là, les travaux de rénovation prennent une tournure un peu particulière. Mais bon, visiblement, en matière d'immobilier, les socialistes semblent aller de surprise en surprise. Puisque si Dominique Strauss-Kahn a déserté le chantier de la rénovation socialiste, il n'en demeure pas moins qu'en arrivant à Washington il y a quelques jours, accompagné d'Anne Sinclair, ils furent tous les deux pour le moins surpris. En effet, c'est M. Sarkozy qui s'est occupé de tout, y compris de leur trouver un appartement. C'est ainsi que la semaine dernière, de passage aux États-Unis, M. Sarkozy s'est arrêté à Washington pour leur présenter l'appart. Seulement voilà, devant Nicolas, Anne Sinclair fut soudainement inquiète. Ça va pas faire cher de loyer ? Oh bah non, tout seul ça serait dur, mais à trois c'est rien du tout. Attends. Comment ça à trois ? Eh ben oui, à trois, on est trois, un, deux, trois, non ? Tu veux dire que tu l'as loué pour nous trois ? Évidemment, comme ça avec l'espace on se gênera plus. Mais t'aurais quand même pu nous prévenir, non ? J'avais pas du tout compris ça, moi. Ah mais moi je croyais. Mais vous vous rendez pas compte de l'appartement que ça peut faire. Sans compter qu'on peut percer une deuxième entrée, comme ça chacun chez soi, non? J'en sais rien, moi je sais pas où j'en suis avec tes conneries là. Bon, faut réfléchir, hein, pas s'avancer comme ça. Oh non, vous allez pas me laisser tomber, soyez pas salaud, j'ai signé, moi. Ah ben oui, il a signé, monsieur Sarkozy, il contrôle tout. Résultat, c'est une colocation intermittente à Washington avec Dominique. Certes, M. Strauss-Kahn a évité les travaux de rénovation rue de Solferino, mais bon, du coup, il emménage avec M. Sarkozy et le week-end dernier, ils ont dû bosser ensemble. Mais plus haut, merde ! Je peux pas, je suis au maximum ! Non, on va poser parce que... Oh, Un souffle, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis raflé la main. Ah, bah c'est bien fait, t'as qu'à prendre tes gants, fais voir. Oh, c'est rien, ça, écoute. Je suis pas sûr. Je connais un mec qui s'est raflé, ça s'est infecté, est devenu sourd-muet. Ouais, raconte pas ta vie, on y va. Allez. Ah oui, c'est sûr que si M. Sarkozy devient sourd et muet, là, c'est la grosse tuile. Hein. Oh, mais à propos, où en est Ségolène avec son nouveau chef de chantier? Cassez-vous, je ne veux plus vous voir. En plus, je suis sûr que vous n'êtes pas assuré. Ben tiens, comment je fais, moi? Mais vraiment, je suis trop conne, hein. Je m'occupe de vous, j'accepte toutes vos conneries. Résultat, c'est moi la place en coulada. Hein? Vous m'avez déjà bousillé le piano, la cheminée, la baignoire. Maintenant, c'est l'incendie. Manque plus que le dégât des eaux. Vous êtes virée, vous m'entendez? Virée! Je suis une femme formidable et vous êtes virée! J'en ai le droit! Vous croyez que j'en suis pas capable? Moi aussi, je suis un homme! Parfaitement! Bon, ben, la rénovation socialiste s'annonce décidément très compliquée. Va donc falloir trouver un authentique architecte. Encore que, quand on demande à François Hollande où en est l'avancée des travaux, la réponse est digne d'un chef de chantier. Ah, bien, bien. Tout va pour le mieux. Bien, cela ne fait rien, bien, de te dire adieu. Oh bien, bien, tu peux rentrer chez toi, bien, on se reverra bien, bien, on ne se reverra pas. J'aurais dû laisser la porte fermée et je... La clé, ne plus jamais revenir. J'aurais dû laisser la porte fermée, jeter la clé, ne plus jamais revenir. Ah bien, bien, comment vas-tu bien, bien? Qu'as-tu fait tout ce temps de bien? Cela fait un moment. Oh bien, bien, ça m'a fait plaisir de te revoir ici. Mais je dois partir. J'aurais dû laisser la porte fermée et je t'ai. La clé, ne plus jamais revenir. J'aurais dû laisser la porte fermée et jeter la clé, ne plus jamais revenir. Tout va pour le mieux, c'est ce que croit Da Silva, mais c'est aussi ce que tu voudrais faire gober à ton proprio lorsque tu as un petit retard pour payer ton loyer. Enfin, c'est bon, quoi, tu paieras le mois prochain. Alors maintenant, pour prolonger notre aventure immobilière, il est grand temps, à 11h43, de retrouver en duplex nos colocataires préférés, les lofters Monique et Jean-Claude. Sache avant tout que cela fait un bon moment que Monique exhorte Jean-Claude à déménager. Seulement voilà, jusqu'à présent, le Jean-Claude, il n'était pas encore prêt. Est-ce qu'on a assez réfléchi? Est-ce qu'on s'engage pas trop rapidement? Est-ce qu'on a besoin de se mettre un crédit d'1 million sur le Louvre? Je sais pas. Alors, évidemment, il y a une belle vue, le quartier est plus chic. Oui, oui, j'ai envie de quelque chose de plus grand, de plus beau, dans un quartier plus chic. Et je ne vois pas ce qu'il y a de... Je voulais simplement dire qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on pourrait peut-être réfléchir encore un peu, c'est tout. Mais si on dit ça, à chaque fois, on bougera jamais. C'est ainsi que depuis plusieurs années, Monique et Jean-Claude sont locataires. Sauf que maintenant... Depuis l'annonce du président, qui veut une France de proprio, le sarkozyste de Jean-Claude a décidé d'investir dans la pierre. Et la semaine dernière, Jean-Claude a pris quelques rendez-vous pour visiter des appartements. Et il est ponctuel. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi, j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix. Je voudrais savoir le confort, comme on dit, j'en ai envie. La jeune personne chargée des visites de l'appart est sans doute prête à répondre aux envies du Jean-Claude. Elle est charmante et le conduit vers le logement à vendre. Jean-Claude, qui se sent bien conseillé, s'interroge sur ce métier particulier d'agent immobilier. Et comment vous faites avec les autres? Ben, ça dépend, il y a des clients qui hésitent, bavards comme chez coiffeur, puis il y en a d'autres qui savent précisément ce qu'ils veulent. Et vous les écoutez? J'essaye.